trop souvent senti le spectre de la mort rôder autour de ma famille. Depuis la nuit quand je dors mon rêve c'est juste une accalmie. J'ai vu le bonheur et l'amour brisé par la maladie. Le soleil de ma vie qui partait direction le paradis. Avant que tu décides, t'es enfin l'heure qu'elle s'éveille. Maintenant je crois que les anges concentrés veillent. Alors je remercie le ciel pour chaque souffle de respiration offert. C'était dit à elle qui s'y a tant souffert. Demain je peux m'en aller alors je déclare à mes parents que je les aime. Vous inquiétez pas, la foi grandit, elle me préserve. J'ai pas été un fils facile, celui que le désordre attire. Mais si on se mange entre nous, comment faire pour rebâtir? J'ai trop supporté dans le passé tout ce que mon cœur a pris. Mais ça reste inférieur aux valeurs que mes parents m'ont appris. L'éducation n'a pas de prix, je suis le maître à la recherche de l'élève. Comme ça aidé Idriss, que l'amour nous élève. Fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles avant que tout s'en sépare. Fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles. C'est pour ma famille au sens large du terme. Pour celle qui m'a mis au monde ma mère. Ainsi que mon père, frère et grand-mère. Car c'est la base de tout, sans qui je ne serais rien. Qu'une branche de l'arbre avec la même sève pour les miens. J'fais le vœu d'être présent jusqu'à ma mort. C'est mon cœur qui parle, mon devoir qu'importe le décor. Pauvre ou riche, j'espère que ça sera la même. Mais par la grâce de Dieu ensemble, tous unis même face aux problèmes. Bien qu'ici c'est pas ce qui manque, on continue à y croire. Avancer pour ceux qu'on aime, une vie. C'est pas loin, ignore le commandement d'honorer les tiens. Tu regretteras rongé par la peine. Les miens, c'est mes bras, mes jambes, mon équilibre dans ce monde. Je me méfie des gens. On sait bien qu'ici l'amour est presque une légende. On vit tous les jours, c'est nos couleurs qu'on prend sa défense. Fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles avant que tout s'en sépare. Fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles. Dans les traditions familiales, le staff reste soudé, loin des traîtres et des reptiles. Même si la misère s'installe dans ma ville, au-dessus des blocs on s'assume, car on est plus de 1000 dans les cités. À vouloir être libre, désirer l'égalité pour tous. Fais chaque chose avec le temps qu'Allah nous a donné à tous. Apprécie chaque minute de ta vie, car le monde tourne dans le vide. L'humanité continue sa route, sans retrouver les traces des origines. Les jeunes couchent avec le mal, le diable fauche l'âme. La merde et s'égare dans la nature. Jusqu'au bout de la nuit, il veut nous diviser au fond de nous-mêmes. Donc j'évite de jouer avec le feu et fais le vœu de faire de mon mieux pour la famille. Tout fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles avant que tout s'en sépare. Tout fragile comme le cristal, resserre les liens avant que le mal s'installe. Oukcha, la famille reste la famille. Oukcha, évite les failles.